Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les rondes de Radio Béton et grand 93.6. On s'est un peu pris les pieds dans le tapis ce soir parce que c'est vrai qu'on vous avait annoncé retour à 20h, mais donc vous l'avez forcément constaté en allumant à 20h, Alex et le Freaky Mix sont de retour, et comme on se disait hors antenne, normalement ils sont de retour pour de bon. Donc on vous tiendra informé, mais du coup on devrait reprendre notre créneau historique 21-23, que ça soit sur les émissions en diff ou en direct. Quelques nouveautés ce soir dans la playlist, et toujours sur les émissions live, la présence de Thibaut pour nous faire ses petits focus. Émission numéro 444, putain, je viens de voir ça, superbe. Et cette émission, on va la commencer avec une doublette extrême, tout simplement, avec tout d'abord les vétérans anglais de Carcass, Torn Arteries, leur nouvel effort studio. Alors là, on est sur du pur Swedish Melodies venu d'Angleterre pour le coup, hein. Carcass qui continue à creuser en fait ce qu'il a initié suite à Earthwork. Surgical Steel, voilà, qui était sorti en 2013, avait déjà marqué le rythme dans cette veine là. Torn Arteries s'inscrit clairement dans cette lignée. L'album est déjà dispo chez Nuclear Blast. On va s'écouter le titre éponyme de ce nouvel effort de Carcass, et dans la foulée, les Allemands d'Agrippny, le groupe de black à la fois prog et à la fois post-black, qui sort ce nouvel effort studio Metamorphosis chez Art of Propaganda Records. Vir Ertinekenen, et bienvenue dans l'émission. Qu'est-ce que j'ai... We'll be right back. Yeah. Voilà, vous êtes toujours bien à l'écoute de Radio Béton. On est bien dans Hellbanger. Voilà, pour rappel, on a commencé une heure plus tard que ce qu'on avait annoncé, puisque du coup, Alex et le Freaky Mix ont fait leur retour en direct ce soir. Ça fait un peu bouger nos lignes, mais bon, dans l'idée, au niveau de la diff et de tout ça, ça devrait pas changer grand-chose ce soir. Une doublette maintenant, Heavy. Avec tout d'abord les vétérans anglais de Iron Maiden et qui ont sorti il y a une paire de semaines leur nouvel effort studio Senjutsu, album studio qu'il faut écouter vraiment comme un double album. On va s'écouter le titre The Time Machine et dans la foulée Chris X, les heavy trasheux espagnols qui sortent leur nouvelle EP The Pizza. Les mecs sont aussi bons qu'ils sont délirants, une sortie sur label français Listenable Records. Et on s'écoutera le titre World Needs Mosh. Ouais, ça reste assez proche d'un titre que pourrait nous proposer Insanity Alert. 21h27 à la pendule de Radio Béton. Putain, on vient de faire 2-3 petites modifications au niveau du son. Je viens de m'éclater les oreilles. Là, on a fait monter un peu les tranches. Comme ça, je devrais pouvoir être à peu près à niveau de l'ami Thibaut qui nous rejoint tout de suite en direct au micro de Radio Béton. Et puis, le tram s'invite également par la fenêtre. Ouais, salut. Du coup, je t'entends à peine. Tu m'entends à peine? C'est génial. Eh ben, avec le tram, c'était regarde, ouais, je vais te monter le retour dans ton casque te casser la gueule, parfait, des oreilles. C'est génial. Donc, on t'accueille une fois de plus, non, parce qu'en fait, t'es là tout le temps, c'est juste que tu prends la parole quand on fait du direct. Un nouveau petit focus, on dit combien il y en a ce soir? Il y en aura trois ce soir, une dans chaque partie de l'émission en fait. Exactement. Et pour le premier focus, on attaque sur, alors moi, le coup de cœur de ce début de saison là, même si le Agrippini était particulièrement génial, la découverte, c'est Craven Idol qui sort là son troisième album. C'est des Londoniens. Troisième album, ils ont sorti un album en 2013, Towards Eschaton. Et un album en 2017, The Chuckless of Mammon. Là, ils sortent donc cet album qui s'appelle Forked Tongues. Et c'est signé chez Dark Descent Records. Alors, label en l'occurrence. Ouais, on reviendra sur le label dans la soirée, sans spoiler de trop. La suite. Dans la suite de la soirée, on reparlera de ce label. Toujours est-il que les membres du groupe, alors on a notamment pas mal de. Je crois qu'il y a trois membres du groupe qui font également partie du groupe Chrome Dew. Que plutôt sympa, c'est du black metal plutôt sympa. Il y a une prod qui est surtout assez solide, et c'est ça qui m'a un petit peu interloqué sur cet album. Après, c'est sympa, mais sans plus quoi de ce qu'ils ont fait. Oh, ce qui est surtout à retenir, c'est le nom du groupe Chrome Dew. Ouais, ça fait un peu crumble, mais en ouais, black c'est metal. Ça, quoi. C'est un peu, c'est du dub qui se casse la gueule, tu vois. toujours est-il, ouais, comme je disais, moi c'est la sortie de l'année, déjà la découverte du groupe que je ne connaissais pas, et sur cet album qui est particulièrement génial. Alors les deux premiers albums sont excellents également, que ça soit celui de 2013 ou 2017, ça vaut le coup d'être écouté, mais ils sont largement surpassés par cette nouvelle sortie. Clairement, déjà rien que la pochette, elle est incroyable. Enfin, je trouve qu'il y a une puissance qui se dégage de cette pochette. C'est une vraie peinture, c'est une toile réellement, et on a quelque chose de, d'hyper mythologique avec cette espèce de cavalier qui est face à une espèce d'hydre spectrale. Enfin, c'est magnifique. Tout ça qui sort d'un volcan, c'est assez grandiose. Alors, j'ai perdu le nom du graphiste, mais avec un peu de chance, c'est le même qui a signé des pochettes absolument incroyables ces dernières années. Dès que Sylvain sera revenu, il nous donnera le nom de ce mec-là. Mais enfin, bref, je te laisse dérouler. Ouais, donc voilà, je trouve que la pochette, elle est déjà très évocatrice en elle-même. Et bah voilà, on est sur bon, je pense qu'on va diffuser le morceau avant de reprendre dessus, mais on est vraiment sur du black trash qui a quelque chose de moderne dans le fond, et c'est un style auquel on n'est pas forcément habitué à avoir quelque chose d'assez moderne dans la prod et dans l'approche. Et voilà, peut-être s'en écouter un petit bout du morceau, et puis on revient dessus après écoute. Et bah ouais, Pierre, du coup, Sylvain, le prompteur en chef, est revenu me glisser dans l'oreillette qu'effectivement, la pochette est une fois de plus signée l'artiste Eliran Cantor. Voilà, le mec, au passage, qui a fait qu'est-ce qu'on a diffusé récemment? Acrania, bon, ça c'est pour autre chose. Le dernier Arkspire. Qu'est-ce qu'on a eu plus récemment? Le dernier. Crowbar, Cryptosis, pardon. Enfin voilà, tous ces groupes de plein de styles différents qui font appel à cet artiste ultra quali. Le titre qu'on va s'écouter au milieu de ce focus pour illustrer l'album s'intitule Even the Demons. Qu'est-ce que tu peux nous dire éventuellement sur ça? Alors moi, clairement, ce morceau-là, c'est genre un parpaing que tu prends dans la tronche à peu près. En termes d'efficacité, t'en prends vraiment plein. Pour moi, c'est le morceau qui est sorti du lot immédiatement pendant l'écoute. Après, faut noter quand même, c'est un album globalement qu'il faut se manger en entier, parce qu'il est vraiment complet et avec un début et une fin. Il y a vraiment toute une continuité dans l'album, quoi. Et ben, on en parle juste après de la durée de l'album et de la durée des morceaux. C'est parti, Craven Idol, un extrait de leur nouvel effort Forked Tongues, et on est en plein focus de présentation. We'll be right back. Et voilà, on se retrouve de nouveau avec Thibaut pour la deuxième partie du Focus Craven Idol. Donc là, on vient de s'écouter un extrait pour se l'illustrer tout simplement, ce nouvel album. Et la suite. Bah non, mais enfin voilà, moi déjà, cette basse quoi. Enfin, le son de basse qui te claque la tête du début à la fin du morceau. C'est avec une prod ultra moderne, ce que je disais avant le morceau, une prod ultra moderne sur un truc qui est du black thrash, où on a l'habitude d'avoir un truc assez raw et plutôt old school dans l'approche. Là, on a quelque chose de vraiment moderne. Bah, pour le coup, ça valorise le côté dégueulasse et violent des compos et de ce que le groupe veut renvoyer. Et bon, c'est vrai, quand t'es en power trio, c'est toujours plus facile d'équilibrer tout ça, mais c'est vrai qu'il y a un énorme travail, et heureusement, qui a été fait sur la basse, qui rajoute une plus-value sur les compos. Ouais, puis voilà, bah, l'ensemble, l'enregistrement joue énormément, mais c'est un ensemble à la fois puissant, puis c'est abrutissant, quoi, ça t'assomme le crâne du début à la fin. De toute façon, c'est pas dur, hein, l'album, il fait quoi? Il fait 44 minutes ou quelque chose comme ça. Un peu, ouais, c'est ça, ouais. Et y a des morceaux qui dépassent les 9 minutes sans aucun problème, et t'en prends plein la tronche, des titres sur lesquels on ne s'ennuie pas. Ouais, c'est ça. Pour le style, avoir des titres aussi longs, c'est assez aventureux. Voilà, là, le titre qu'on s'est écouté, même s'il y a une intro d'une dizaine de secondes, on est déjà à plus de 5 minutes et tu vois pas le morceau passer, quoi. Ouais, c'est ça, ça fait vraiment pas quelque chose d'expéditif, tu vois, comme tu peux avoir dans d'autres groupes qui tapent là-dedans. Et ouais, alors juste un dernier mot et puis après j'aurai terminé, mais alors le final de l'album, quoi. Le tout dernier morceau, la dernière minute du dernier morceau qui est juste à te soulever l'estomac, quoi. Vraiment le genre de truc que moi j'adore. Donc c'est un morceau qu'on ne vous diffusera pas, tout ça pour vous inciter tout simplement à prendre le temps d'écouter l'album et encore mieux à vous le procurer. Merci beaucoup, on se retrouve tout à l'heure pour un autre focus. On passe à la doublette suivante, Skepticisme, est-ce que ça te parle? Oui, je les ai vus au Hellfest, j'étais pas bien devant la scène. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est, Skepticisme? Bah, c'est du gros funeral doom, et en plus je me suis tapé une migraine pile à ce moment-là alors qu'il faisait 40 degrés, c'était génial. Exactement, voilà, Skepticisme, ça nous vient de Finlande, comme tu l'as justement dit, c'est du funeral doom, c'est ultra monolithique, c'est pesant, c'est asphyxiant, c'est angoissant. Et paradoxalement, leur nouvel album s'intitule Companion, bon bien sûr, Companion. Ouais. En anglais. Voilà, par contre, on est sur une pochette vachement plus épurée que ce qu'on a pu avoir avec Craven Idol. On est sur un album de presque 50 minutes. Aucun morceau, s'il y a le premier qui fait moins de 6 minutes. Sinon, on est sur du 7, 8 à 10 minutes. Voilà pour Skepticisme qui va ouvrir la doublette à venir. Et pour augmenter le tempo juste derrière, Portrait, une autre formation scandinave. Une des toutes meilleures sorties de Revival Heavy de ce début d'année scolaire, on va dire, de cette reprise de saison. Portrait avec leur cinquième album studio également, At One With None. Portrait, une sortie Metal Blade. Skepticisme tout d'abord, le titre Kala, le titre d'ouverture de ce nouvel album. Et Portrait, on s'écoutera le titre Shadowless. C'est parti. La suite, la doublette suivante, Cerebral Effusion, qui a bénéficié d'un petit focus la dernière fois. Cerebral Effusion, le groupe de slam death espagnol. Une très très bonne sortie chez New Standard Elite, le label américain spécialisé en la matière. Ominous Flesh Discipline, c'est le nom de ce nouvel effort studio. Puis derrière, le chaotique hardcore des Ricains de Wanderer. Très très bon nouvel effort studio. Le tout premier, longue durée, parce qu'avant il y a une série d'EP, Liberation from a Brutalist Existence, Wanderer, l'album est déjà à dispo, on va s'écouter le titre Marionnette, et juste avant, Interbreeding Animosity, signé Cerebral Effusion, allez, distribution de neurones. Thank you.